Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, donc je suis professeur de maladies infectieuses dans la région parisienne. Et si tout de suite j'ai vu que ça n'allait pas, c'est que j'avais été président un peu de toutes les institutions dans le domaine des maladies infectieuses, aussi bien dans mon hôpital qu'au ministère, au Conseil de la Santé publique, à l'OMS et partout. Donc je connais tout le système de l'intérieur. Donc quand on nous a annoncé le début d'une éventuelle pandémie, bon, je me disais, bon, il y a eu le SRAS, vous vous souvenez du coronavirus chinois il y a quelques années, bon, on l'a maîtrisé rapidement. Moi, j'étais pas très inquiet en disant, bon, ben, on a des bonnes personnes de santé publique en France, ça va être géré correctement. Et puis, courant mars, j'ai conseillé des gouvernements pendant 15 ans pour la gestion des épidémies, alors je sais de quoi je parle. Et courant mars, je dis, oh là, qu'est-ce qui se passe là? Ils font tout à l'envers. Et je vous rassure, ça fait maintenant plus d'un an, et ils continuent à faire tout à l'envers. Donc là, j'ai dit, c'est grave. C'est pour ça que j'avais commencé à aller dans les médias. Après, j'ai écrit mes deux livres. Ouais. Vous savez, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise chez Albin Michel, que j'avais publié au mois de juin. C'était l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Et maintenant, c'est décidément, ils n'ont toujours rien compris, que j'ai publié aussi chez Albin Michel fin mars, avec le sous-titre « Celui qui dit la vérité doit être exécuté », d'après la... Voilà. Donc, j'ai vu que ça tournait pas rond, j'ai exprimé dans les médias. Au début, bon, ils me trouvaient sympa, j'ai pu passer pas mal de messages. Et j'ai tellement agacé en haut lieu que j'ai été censuré dans tous les médias principaux. Merci. Merci pour nous. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné des consignes. Alors, c'est des consignes peut-être soi-disant un conseil gentil, mais en fait c'est plus que ça. Moi, des journalistes qui sont amis avec moi m'ont dit « Christian, on aimerait bien t'inviter, mais si je t'invite, je suis viré ou j'ai plus le droit. Bon. » Voilà, c'est sympa. Heureusement qu'il y a les médias alternatifs, il y a Internet. Il y a des vidéos qu'on fait 1,5 million jusqu'à 3 millions de vues quelquefois. Ça fait plaisir. Et... Une radio. Ah ouais. Et je sais que certains médias principaux, mainstream comme on dit, sont inquiets parce qu'ils ont beaucoup moins d'audience quelquefois que ces médias alternatifs. Donc, voilà. Alors, on reviendra dans le détail de la chloroquine. Alors, c'est un immense scandale parce que, surtout, vous savez, quand je commençais à dire des choses l'année dernière que la chloroquine marche, c'est une évidence. On le savait depuis le début de l'épidémie en Chine, après il y a eu Raoult. On a dit, bon, Perron dit n'importe quoi, c'est un complotiste. Maintenant, vous avez vu l'affaire d'Anthony Fauci, pour ceux qui ne connaissent pas. Anthony Fauci est le président directeur du NIH. Le NIH, c'est l'équivalent de l'INSERM, l'Institut de recherche aux États-Unis. Et par des avocats aux États-Unis, ils ont réussi à obtenir 3000 pages de courriel d'Anthony Fauci, qui est échangé notamment avec Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique français à l'Élysée, etc. Et déjà l'année dernière, il y a plus d'un an, il disait « Ah oui, la chloroquine, ça marche, mais il ne faut pas l'utiliser ». Et Delfraissy qui lui dit « Ouais, alors je suis ennuyé parce que j'ai des pressions politiques pour libérer la chloroquine, vous pouvez m'aider pour qu'on continue de la bloquer ». Bon, et puis il avait signé des consentements de secret, c'est quand vous faites un contrat avec l'industrie pharmaceutique, vous signez un contrat de confidentialité. Ils avaient signé ça avant même le démarrage de la pandémie quasiment, donc c'est-à-dire que les vaccins étaient déjà commandés avant qu'il y ait le virus. Ah, je veux bien être complotiste, mais il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Alors, oui, il y a les complotistes et les comploteurs, je pense. Et, alors, si vous avez vu, pendant des mois et des mois, il y avait notre président qui arrivait, c'est la guerre, on est les meilleurs, etc. Nos ministres de la Santé qui ont été terribles. Mais moi, ce que je vois depuis le début de l'épidémie, c'est que la France est un des pires pays dans les résultats de la gestion de l'épidémie. Et de déjà au mois de juin, quand il y a eu la... parce que la première vague est une vraie vague qui a touché surtout les personnes âgées à 80% ou 85%. Quelques personnes plus jeunes qui avaient des gros facteurs de risque, des grosses obésités, des gens qui avaient plus de 150 kilos, des grands diabètes. Et ça n'a pas touché toute la population, ça n'a pas touché beaucoup les personnes d'âge moyen, et ça n'a pas du tout touché les enfants. Il y a eu peut-être une dizaine d'enfants qui sont décédés avec des comorbidités importantes. Mais voilà, donc. Mais malgré ça, la France, au mois de juin, était la lanterne rouge du monde entier en termes de létalité. Parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais quand on mesure les décès dans une épidémie, on regarde le nombre de décès et au dénominateur, on met soit le nombre de cas diagnostiqués, soit la population. C'est pour ça qu'il y a la létalité, la mortalité. Je vous fais un petit cours d'épidémiologie, mais c'est important à comprendre parce que jusqu'au mois de juin, comme on n'avait pas de test PCR, très peu, je serai à l'hôpital pour confirmer les cas, le compte des malades était vrai. Parce que c'était les médecins qui avaient fait le diagnostic à l'hôpital avec les signes cliniques, le scanner, la perte du goût, de l'odorat. Les chiffres de cas étaient fiables. Donc la létalité était le meilleur marqueur de la gestion. Et la France était la dernière du monde. À un moment donné, on a été battu par le Yémen, qui est en guerre, qui, dont tous les hôpitaux étaient démolis, qui n'a plus de système de santé. Bravo la France! Et pendant ce temps-là, nos ministres défilaient à la télé pour dire on est les meilleurs. Cherchez l'erreur. Bon. Et même maintenant, alors après, la létalité, on n'a pas pu la mesurer parce que quand Véran a dit qu'il fallait dépister des millions de gens qui n'ont aucun symptôme par ce test PCR qu'on vous fourre dans le nez, c'est une hérésie scientifique. Moi, je suis chercheur, j'ai fait de la virologie à l'Institut Pasteur. J'ai connu les gens qui ont développé la PCR sur d'autres maladies. On n'a pas le droit de faire des tests PCR chez des gens qui n'ont pas de symptômes. Parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. Donc, ils ont fait peur aux gens. Moi, j'étais horrifié de voir ces queues. J'ai connu des gens qui faisaient 3 tests par semaine. En disant, ouais, je m'en fous, c'est gratuit. C'est pas gratuit, c'est moi qui paye avec mes impôts. Bon. Et le gouvernement a dépensé des milliards, alors que la Sécu elle est déjà ruinée. Le trou de la Sécu était à 5 milliards d'euros quand Macron est arrivé. Maintenant, on est à plus de 55 milliards, je crois. Donc c'est affolant. Alors on a créé. Alors je dis pas que l'épidémie était terminée. Il y a eu des rebonds épidémiques en novembre, décembre, en février, mars, avril. Mais quand on regarde. Les chiffres ne voulaient plus rien dire, parce qu'on avait des cas qui n'étaient pas des cas, c'était des faux tests positifs. Et les morts, ce n'était pas forcément des morts du Covid, c'est des gens qui sont décédés avec un test positif. Et donc, on n'a plus aucune confiance dans ces chiffres. Autant c'était fiable jusqu'au mois de juin, et là, on ne peut plus parler. Je n'en regarde plus la létalité, je veux dire nombre de cas sur nombre de morts sur nombre de cas, parce qu'on ne sait pas le nombre de cas. Donc, si on regarde la mortalité maintenant, nombre de morts sur la population, je crois que la France est dans les 4 ou 5 pays les pires du monde. Donc, c'est une catastrophe totale d'un bout à l'autre, en France, la gestion de cette crise. Alors qu'on ne vienne pas me donner des leçons, parce que moi, j'ai géré des crises sanitaires avec d'autres gouvernements, je sais comment ça se passe quand on gère une épidémie. Donc voilà, il y a l'histoire. Et puis alors, ce qui est hallucinant, vous avez vu les mensonges et les changements de messages. Au début de la crise, alors, le coup des masques. On dit, ouais, Perron, c'est un anti-masque. J'ai jamais été anti-masque. C'est moi qui ai travaillé avec le ministère de la Santé il y a 20 ans pour mettre en place les masques dans les cas de tuberculose contagieuse à l'hôpital, parce que le tuberculose baladait dans l'hôpital avant, personne ne prenait de mesure. Je suis un convaincu du masque, on s'est bien utilisé. Pour un malade qui a des symptômes, pour pas qu'il vous crache dessus, et pour l'entourage immédiat, soit les soignants, soit la famille, pour pas recevoir les projections. Mais expliquez-moi l'utilité d'un masque chez une personne qui n'a aucun signe respiratoire. C'est complètement débile. Qu'on me montre une seule étude qui dise que ça sert à quelque chose. Et vous savez pourquoi on nous a imposé les masques pendant des mois? C'est pour vous soumettre, pour tester votre soumission et pour vous imposer ces produits maintenant qu'on appelle vaccins. Et pour moi, le pire crime, c'est d'imposer le masque aux enfants toute la journée. Et... vous avez vu qu'il y a des études qui commencent à sortir, des études scientifiques dans certains pays qui montrent qu'il y a une chute de l'apprentissage et des capacités cognitives des jeunes. Il y a des suicides d'enfants, ce qui était du jamais vu. Il y avait des suicides d'adolescents mal dans leur peau. Bon, malheureusement, on en a toujours connu. Mais j'ai des amis psychiatres infantiles. Il y a des enfants qui sont pendus, qui sont jetés par la fenêtre de l'hôpital Robert Debré, même à Paris. C'est horrible ce qu'on a fait aux enfants. Les petits n'arrivent plus à apprendre à parler parce qu'ils ne voient pas les lèvres bouger. Les plus grands, même, ils ne peuvent plus jouer dans la cour de récréation, toucher leurs copains. Les étudiants, moi j'étais en un cours permanent, les cours ça se fait par Zoom, ça fait visioconférence, il y avait des centaines d'étudiants, j'ai discuté un petit peu avec eux, ils étaient complètement des étudiants en médecine, hein. Une enquête faite dans notre faculté montre qu'ils sont déprimés, ils sont plus motivés, il y en avait 30% qui voulaient arrêter la médecine, ils sont toute la journée chez eux, sur leur lit, à voir les cours sur internet, ils en ont ras-le-bol, ils ne pouvaient plus sortir, aller au café, boire une bière avec les copains. Donc on est en train de casser notre jeunesse, il faut le savoir. Et c'est pas terminé parce qu'on va les inoculer. Voilà, donc il y a l'histoire des traitements, la chloroquine ça marche, c'est prouvé, il y a des centaines d'études dans le monde, j'ai même publié dans des journaux internationaux des articles qui le montrent. Malheureusement il y a des études frauduleuses comme la fameuse étude du Lancet qui ont été payées pour dire des mensonges. L'azithromycine, ça marche. L'ivermectine, qui est à la base un antiparasitaire. Des centaines de millions de gens en ont utilisé dans le monde pour des parasitoses. C'est un traitement courant pour la gale, par exemple. J'ai jamais été anti-vaccinal parce que c'est moi qui ai présidé la politique vaccinale dans le pays pendant 15 ans. Et j'ai été... Et pendant plusieurs années, j'ai été vice-président du groupe d'experts à l'OMS pour les vaccins en Europe. Donc, j'ai toujours défendu les vaccins quand ce sont des vrais vaccins. Là, aujourd'hui, on n'a pas affaire à des vaccins, on a affaire à des produits expérimentaux qui sont potentiellement dangereux parce qu'on n'a pas encore tous les résultats sur les effets secondaires. Et on voit que, de toute façon, ces produits qu'on vous injecte aujourd'hui ne protègent pas. Vous connaissez le dictionnaire Vidal des médicaments ? Oui. Alors, oui, c'est moi. Si vous regardez le dictionnaire Vidal, la page vaccin Moderna Pfizer pour le Covid, c'est écrit en gras. Ce produit ne protège pas contre les formes graves. Donc c'est le fabricant qui le dit. Et à côté de ça, on voit les journalistes, les experts... comme beaucoup de conflits d'intérêts à la télévision. Mais bien sûr, ce vaccin protège contre les formes graves. Alors, qu'on m'explique pourquoi. Madame Roselyne Bachelot, vous la connaissez ? Bon, elle a été ministre de la Santé. Là, je ne sais pas trop pourquoi elle s'est retrouvée à la culture. Bon. Elle s'est fait vacciner et dans les jours qui ont suivi, elle a fait une forme grave du Covid. Donc c'est, oui, bon, c'est emblématique, mais il y en a plein autour de moi. Je connais plein de gens qui ont fait des formes graves après le vaccin. Et si vous regardez ce qui est très grave, c'est qu'il y a des pays dans le monde où l'épidémie s'était très bien passée, elle était parfaitement gérée, il y avait peu de cas, peu de morts. Regardez au Vietnam, ils avaient quelques dizaines de morts en un an et demi, tout allait bien, tranquille. Et moi, j'ai un ami vietnamien qui m'a envoyé un message assez horrible. On a un de nos dirigeants qui revient du forum de Davos. Il veut imposer la vaccination à tout le peuple vietnamien. Ils ont commencé. Et du coup, l'épidémie est repartie. Il y a des morts. Bon. Tous les pays où l'épidémie est repartie avec des morts, c'est les pays qui ont vacciné massivement. Regardez Israël, regardez la Grande-Bretagne, le Brésil, l'Inde. Le plus parlant, c'est qu'on nous fait peur avec ce fameux variant indien, l'agent Delta. Là, c'est un Delta plane qui arrive sur vous. Là. Il va tous vous tuer. Non, mais les variants, depuis le début, on vous bourre le mou, ils sont de moins en moins méchants. Un virus, quand il s'adapte à l'homme, il perd de sa virulence. C'est toujours comme ça depuis l'histoire de la médecine. Voilà, et il y a des traitements en plus. Donc ce... J'avais bien rigolé, ça a commencé ce fantasme des variants l'été dernier au mois d'août en Espagne. On dit attention, il y a un variant espagnol terrible qui va ravager l'Europe. J'ai vu les émissions de télé, on voyait des ambulances, scénario catastrophe, les gens habillés en scaphandrier. Des images qui dataient de plusieurs mois avant. Et le journaliste interviewe un médecin qui était de garde au CHU de Madrid et dit « Alors docteur, c'est la panique chez vous, vous avez recruté tout le monde. » Et le gars, il était en train de se la couler douce. « On avait de quoi vous parler ? Non, on a 5-6 malades, là tout va bien. » Et la journaliste qui s'excite contre lui, mais c'est pas possible, docteur, il paraît qu'il y a un variant terrible. Bon. Après, il y a eu le variant anglais, alors on l'attendait à la sortie du tunnel sous la Manche. Bon, alors tout le monde avait le variant anglais, en fait il ne s'est rien passé. Après, il y a eu le variant néo-zélandais, le variant brésilien. Et si vous regardez les variants, ils ont toujours émergé, là on a vacciné. Et en plus, les vaccinés le virus est résistant au vaccin. C'est pour ça que ce sont les vaccinés qui font plus de problèmes. Voilà, donc c'est très inquiétant parce qu'on s'aperçoit maintenant que les effets secondaires du vaccin semblent devenir plus fréquents que le risque du Covid qui est devenu très faible. La mortalité mondiale est de l'ordre de 0,05% et ça touche à 90% des gens de plus de 85 ans. Et en plus, si une personne âgée est malade, il y a un traitement qui marche à plus de 90% si on donne tôt. Donc où est le problème ? Franchement. Il y aurait une épidémie. Si en sortant de chez vous tous les matins, vous enjambiez des cadavres, comme dans le roman de Camus, on pourrait se dire effectivement, on peut passer outre certaines consignes de sécurité. Mais là, on voit qu'on a développé à la va-vite ces produits, que la phase d'expérimentation n'est toujours pas terminée. On veut vacciner des milliards d'individus dans les enfants qui ne font aucune maladie. Pour une maladie qui ne tue pratiquement plus aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que le virus a disparu, je suis désolé, il y a encore quelques morts, mais on peut les traiter. Et ce qui est terrible, c'est que vous savez que quand ils ont demandé cette agence, à l'agence du médicament, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France, l'autorisation de mise sur le marché dite conditionnelle, la condition, c'est qu'il n'y a aucun produit qui marche. Donc il fallait par tous les moyens désinformer et dire qu'il n'y a aucun produit qui marche. Voilà. Donc, quand on n'avait pas. Parce que moi, je n'étais pas anti-masque, quand il n'y avait pas de masque au début. J'avais signé, quand j'étais président du Haut Conseil de la Santé publique, en juillet 2010, un rapport à la demande du gouvernement, comment gérer les stocks de masques. Les journalistes qui l'ont vu ont dit mais votre texte, il était parfait, pourquoi ils n'ont pas suivi ? Parce qu'après, des hauts fonctionnaires ont dit oh, les masques, ça ne sert à rien, poubelle. Et après, quand ils se sont trouvés comme des cons sans masque, il y avait le ministre, tout le monde, le directeur général de la Santé. Oh non, les masques, ça ne sert à rien. Et puis, vous savez, il y en avait une que j'aimais beaucoup, la Sibeth Ndiaye. Bon, voilà, alors. Et puis, oui, j'irai, elle nous manque maintenant. Et quelques semaines ou quelques mois après, ah ben non, les masques, c'est très important, puis maintenant, c'est obligatoire, et même quand vous allez tout seul aux toilettes, il faut porter le masque, sinon vous allez mourir. Bon. Ouais, même chez soi, en couple. Vous avez déjà essayé de faire l'amour avec des masques ? Il y a quand même une ministre, je crois que c'est au Canada, il y a une ministre qui a recommandé la masturbation. Pour pas contaminer. Bon. Et puis, moi, j'ai adoré le coup de la bûche de Noël aussi. Papy m'a mis à la cuisine avec un morceau de bûche. Et puis, voilà. Bon, voilà. Donc, je crois qu'on est en... C'est une dictature sanitaire, mais c'est aussi un grand délire sanitaire. Toutes ces recommandations, ces mesures ne sont prises sur aucune donnée scientifique solide. Vous savez que j'ai écrit un rapport contre les décisions du gouvernement québécois, la demande d'avocats et d'une fondation au Québec. Il est public, vous pouvez le trouver sur ma page Facebook, Christian Perron officiel. Il y a des études, notamment au Danemark, qui a fait, vous savez, le fameux mot randomisé, maintenant il est devenu un peu... commun, avant les gens ne savaient pas trop ce que ça voulait dire. Random en anglais, c'est le hasard, en fait c'est le tirage au sort. Donc on a comparé des gens masqués, des gens pas masqués. Ben, il n'y a presque pas de différence. Ça date déjà d'il y a plusieurs mois, donc ils le savent que les masques ne servent à rien. Même Anthony Fauci, dans ses courriels, disait il y a plus d'un an, le masque ne sert à rien. Et après c'est lui qui a fait imposer le masque dans tous les pays du monde. C'est terrible. Donc voilà, les masques, on a parlé des tests, on a parlé des traitements, déjà un peu tout dit. Moi, je suis optimiste parce que la pandémie est en train de s'éteindre partout. Mais je suis inquiet parce qu'on risque de nous relancer, je ne sais pas quoi, des variants. Et surtout, si tout le monde se fait inoculer avec ces produits, on va voir réapparaître la maladie et réapparaître des morts. Regardez, en Israël, soi-disant Israël, c'était le paradis. Il se trouve que j'avais un médecin qui était en France à l'époque, qui travaillait près de mon hôpital, qui m'a contacté. Maintenant, il a émigré en Israël, il m'avait contacté en me disant « Mais Christian, c'est terrible ce qui se passe chez nous. Ils ont radié des professeurs de médecine parce qu'ils parlaient contre le gouvernement. Il a des copains médecins qui ont été radiés parce qu'ils refusaient la vaccination. Un de ses copains médecins qu'on a vacciné de force, il est passé en réanimation après la deuxième dose. Et ils avaient instauré le passeport sanitaire. Sa fille, qui était à la faculté en Israël, n'avait pas le droit de passer l'examen parce qu'elle avait refusé le vaccin. Et est-ce que vous savez qu'en Israël, le passeport vaccinal passeport sanitaire a été abrogé? Parce que les médias français n'en ont pas parlé, ça fait au moins un mois que c'est abrogé. Parce que Israël était au bord de la guerre civile, il se déchirait dans les familles. Et puis en plus, maintenant, on sait qu'il y a une augmentation de mortalité, notamment chez les vaccinés. Et c'est terrible parce qu'on a du mal à obtenir les chiffres fiables. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il y a du monde qui veut peut-être parler après. Je répondrai à vos questions si vous voulez.